shoulder, stay home now, Jimmy Seth. Wear your mask, avoid contamination. Do it your time, do for your good. Until everything safe, so come on, sing with me. We fighting corona. We fighting corona, corona, corona. Coronavirus est bel et bien réel. Donc, protégeons-nous et protégeons nos proches en observant les règles d'hygiène. Restez chez vous, sauvez des vies. We fighting corona, corona, corona. We fighting corona.